Osmose. Osmose Radio. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Chers amis, mes petits loups, oh, vous écoutez Osmose Radio, c'est que vous avez l'intelligence de la panthère, la gentillesse du panda et la fureur du dragon radiophonique. Bonsoir à tous les amis, vous l'aurez compris, ce soir, alors que les Asiatiques, les descendants de Boat People s'apprêtent à célébrer le nouvel an chinois ce week-end, eh bien moi j'avais envie de consacrer une playlist ce soir dans l'heure du loup sur Osmose Radio. Dans votre playlist Rock and New Wave hebdomadaire, j'avais envie de m'intéresser un peu au thème de ces pays-là. C'était donc toute proportion gardée dans cet état d'esprit qu'on commençait l'émission ce soir avec Indochine. Et cet extrait de l'album Le Péril Jaune qui était sorti en 83, c'était La Sécheresse du Mékong. Le Mékong, ce fleuve qui fait la frontière entre le Vietnam et la Chine. Et c'est un petit peu entre... On va faire un petit peu le jeu de chaise musicale entre ces deux pays-là ce soir. Pas forcément qu'avec des groupes issus de là-bas, mais ce sera la thématique donc ce soir alors qu'on quitte l'année du cheval et qu'on entre dans l'année de la chèvre. J'ai dit on entre dans l'année de la chèvre, pas on entre dans la chèvre, bande de pervers. Oh là là, décidément, vous êtes incorrigible. Et tiens, pour continuer en musique, quelqu'un qui lui est incorrigiblement beau gosse depuis une quarantaine d'années, c'est David Bowie. On va continuer avec le titre China Girl. She said, China Girl, un titre de David Bowie. C'était un titre en fait qui avait été écrit par Iggy Pop dans les années 70 et Iggy Bowie. Oui, s'ils avaient fait un enfant ensemble, vous me direz, ça aurait été son nom. En tout cas, ils ont fait quelques beaux bébés musicaux, notamment cette chanson China Girl, qui existe en deux versions. La version d'origine de Iggy Pop, qui avait été sortie en 1976, je crois, et la version reprise par David Bowie sur l'album Let's Dance en 1983, un petit peu en même temps que l'album Le Péril Jaune d'Indochine qu'on écoutait précédemment. Et donc, cet album, qui est sans doute un des plus connus de David Bowie, sur lequel il reprenait ce titre, China Girl, qu'il avait mis en version avec des arrangements un peu plus léché, une version pop un peu moins trash que ce qu'avait fait Iggy Pop avant lui. Et ça, c'est les deux s'écoutent avec plaisir. Et l'année dernière, je vous avais ramené la version d'Iggy Pop. Cette année, je m'étais dit que j'allais me faire fort de vous ramener cette version réinterprétée par le beau blondinet britannique. Donc on commençait avec la France qui faisait un petit clin d'œil du côté de l'ex-Indochine. On continuait avec un britannique qui regarde du côté de la Chine. Décidément, ce pays lointain fascine des deux côtés de la Manche, au point que on est allé conquérir au bout du monde, qui Hong Kong, qui le Vietnam. Et ça a donné quelques petits soucis historiques, notamment. Voilà, donc vous l'aurez compris, quand bien même de mon côté, hein, j'ai aucun lien particulier à ces pays lointains, ni dans ma famille, ni dans mon histoire. Mais c'est vrai que j'aime bien déjà les bizarreries du calendrier. Je vous avais fait une émission sur le Nouvel An russe, à l'occasion du Nouvel An russe sur la Russie et les pays slaves il y a à peu près un mois, et là je profite du nouvel an chinois qui tombe jamais chaque année, jamais tout à fait à la même date, rapport au calendrier lunaire que pratiquent les Chinois et le calendrier solaire tel que nous on le pratique, c'est-à-dire le calendrier grégorien. Donc l'an dernier c'était fin janvier, cette année c'est fin février. Voilà, à chaque fois ça change, et donc chaque année c'est un animal différent du bestiaire de l'horoscope chinois. Donc comme je vous le disais, l'année dernière, 2014, c'était l'année du cheval de bois, et donc cette année on rentre dans l'année de la chèvre de bois. Alors, année de la chèvre, hein. je vous promets d'essayer de ne pas faire de mauvaises blagues sur les Ardéchois et sur les légionnaires, mais ça va être dur. Et d'ailleurs, hein, je rajoute aussi que c'est pas parce que c'est l'année de la chèvre qui commence bientôt que je vais invoquer le grand cornu pendant l'émission. Même si je vous ramènerai du black metal tout à l'heure en fin d'émission, mais bon, j'y reviendrai. Voilà, donc vous l'aurez compris, ce soir, c'est dans l'heure du loup sur Osmose Radio, une émission sur le thème de la Chine, enfin de l'Asie en règle générale, de la Chine et du Vietnam en particulier, mais pas que, avec des groupes de ces pays-là. J'avais envie d'ouvrir un petit peu le sujet. Et donc avec Indochine et David Bowie, pour commencer, on va aller vers un autre groupe britannique. On va continuer avec un autre groupe britannique, et je vais y arriver, en faisant un petit clin d'œil aussi aux manifs de septembre et d'octobre qui ont eu lieu à Hong Kong, qui est un territoire un petit peu particulier en Chine parce que c'était un dominion britannique jusqu'à la fin des années 90, donc ils avaient une tradition démocratique qui n'existait pas dans la Chine du continent, et en fait il y a eu pas mal de manifs, heureusement qu'ils n'ont pas été sanglantes. Le sang n'a pas coulé à Hong Kong en septembre et en octobre 2014, mais sachant comment avait été géré par le pouvoir chinois, le Parti communiste chinois, les émeutes de Tiananmen de 1989, les gens auraient très bien pu craindre des répressions beaucoup plus violentes, on va dire. Et même si les jeunes gens qui ont manifesté à Hong Kong en septembre et octobre, en fait, n'ont pas connu Tiananmen, ils en ont juste entendu parler dans les livres d'histoire, parce qu'à mon avis, les livres d'histoire sont sans doute un petit peu mieux renseignés à Hong Kong que dans le reste de la Chine, mais bon, c'est un point de détail. Quoi qu'il en soit, moi, pour le moment, je vous propose d'écouter le groupe britannique Killing Joke, un classique, avec donc un titre qui aurait pu être à l'actualité, qui ne l'a pas été heureusement en septembre et en octobre, Hong Kong Blood Garden. We'll be right back. We'll be right back. arrêter. Qu'est-ce que vous voulez? Passer, c'est tout. Non, c'est interdit. Les chiens et les chinois ne sont pas admis. Ce chien est rentré? Les chinois sont interdits, impossible d'entrer. Hé, hey, vous, approchez. Ouais. Vous vouliez entrer à l'intérieur du jardin? Ah, non, non, non. Un bon conseil. Mettez-vous à quatre pattes et je vous ferai entrer là-dedans. À la rigueur, on laisse entrer les chiens en laisse. Faut pas emmerder Bruce Lee hein, et lui interdire le passage. Manifestement, à l'instant, c'était un extrait du film La Fureur de Vaincre de Bruce Lee, donc où on voit le racisme quotidien qui avait lieu dans certains coins de Chine à l'égard des Chinois eux-mêmes. Et donc c'était le parc était interdit, était autorisé aux Occidentaux, était autorisé aux Japonais, mais était interdit aux Chinois et aux chiens. Ça me rappelle un petit peu ce que Roberto Benigni avait moqué dans son très beau film La Vie est belle à propos des magasins pendant l'Italie fasciste qui étaient interdits aux Juifs et aux chiens. Voilà. Faut croire que décidément la bêtise est mondiale et que s'exporte très bien. Voilà, donc et juste avant ça, c'était deux titres de rock'n'roll assez enlevés et assez énergiques. C'est un euphémisme avec Killing Joke, un groupe de rock britannique, un classique, disais-je, de 79, il me semble, avec le titre Hong Kong Blood Opera. Tout à l'heure, je me suis trompé, je vous ai dit Hong Kong Blood Garden, et en fait, j'ai fait une confusion avec le titre de Siouxsie and the Banshees, Hong Kong Garden, qui lui aussi est un morceau classique et qui lui aussi est un morceau sorti en 1979, donc j'ai fait la confuse dans mes neurones. Et c'est enchaîné juste après ce groupe de rock britannique, c'était un groupe de rock américain, celui-là du stoner punk de Californie, avec Fu Manchu et un titre des années 90, Evil Eyes, les yeux diaboliques. C'est vrai que les Chinois, ils ont les yeux bridés, c'est trop bizarre, ça doit être quelque chose de diabolique. En plus, ils invoquent l'année de la chèvre, donc chèvre, grand cornu, tout ça, enfin bref. C'est pas des gens comme nous, hein. C'est peut-être pour ça qu'on leur interdit l'entrée des parcs. Allez donc savoir, quoi qu'il en soit, donc nous, vous le savez, je vous l'ai dit une bonne dizaine de fois, ce soir la Chine et l'Asie en règle générale s'invitent dans la playlist, mais tout à l'heure j'ai eu une mauvaise surprise, c'est que j'ai oublié un titre chez moi en fait, dans ma playlist, j'ai ramené tous les titres dont j'avais besoin ce soir, et c'est ballot, j'ai oublié un titre d'un groupe de rock vietnamien que j'avais envie de vous passer, dont j'avais envie de vous parler, et que je ne vous passerai pas ce soir, mais la semaine prochaine, je vais le décaler d'une semaine. Je m'en excuse parce qu'en fait c'était le seul aspect du rock vietnamien que j'avais trouvé intéressant. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de groupe de rock vietnamien, ça veut dire que simplement j'ai rien trouvé de valable. Ce que j'ai pu écouter dans le rock vietnamien, et Dieu sait que j'ai cherché, c'est soit des groupes ringards qui singent le heavy metal californien, les groupes de vieux beaux, soit des groupes qui font de la pop version un peu comme la pop coréenne, des trucs assez mièvres et tout. Alors je vais bien croire que c'est une société peut-être un petit peu plus fermée que ce qu'on aurait tendance à croire, le Vietnam, avec un contrôle politique d'internet, tout ça qui fait qu'ils ont peut-être une version biaisée de la musique étrangère. En même temps, ce sont la Chine et le Vietnam, ce sont des pays où le rock est quand même assez marginal et où on préfère la musique de variété, l'opéra traditionnel, tout ça. Donc peut-être que le style musical n'a pas encore vraiment eu le temps de prendre, mais en même temps, quand je vois ce qu'il y a en Chine, je me dis qu'au Vietnam, ils sont pas plus cons que les Chinois, ils pourraient très bien en faire autant. Et donc c'est vrai que mes recherches ne m'ont mené à rien, mais j'avais quand même envie de vous souligner un aspect, c'est la musique vietnamienne des années 60 et 70, à l'époque où la présence américaine était importante, et donc c'était un mal pour un bien en quelque sorte, puisqu'il y avait des groupes dans la ville qui s'appelait Saigon à l'époque, il y avait des groupes de surf music. Et vous connaissez tous hein, la réplique du colonel Kilgore dans le film Apocalypse Now, hein, « Les Viets font pas de surf !» Eh bien, si justement, les Viets faisaient de la surf music dans les années 70, et les Cambodgiens aussi d'ailleurs en faisaient, mais bon, J'aurai l'occasion de faire un zoom sur cet aspect de la scène musicale qu'on ne connaît pas forcément une prochaine fois. Ce soir, je suis obligé de le zapper parce que comme un couillon, j'ai oublié le morceau chez moi. Donc on va rester en Asie, on va passer directement au morceau suivant dans ma playlist. Un groupe qui lui nous vient du sud de la Malaisie, de Singapour en fait, cette cité-état qui se situe dans un détroit entre l'Indonésie et la péninsule de la Malaisie. Alors là aussi, c'est une population assez différente de l'Asie de l'Est et de la Chine. Mais en plus, c'est une population très métissée entre les Indiens, les Malais et les Chinois. Comme c'est un grand port de commerce, il y a beaucoup de va-et-vient, etc. Et il se trouve que le Nouvel An chinois et toutes les religions liées au bouddhisme, etc., sont très très présentes malgré tout. De fait, et malgré ce métissage et cette diversité culturelle qu'on trouve à Singapour. Et c'est un groupe de Singapour, de fait, avait tout à fait sa place dans la playlist de ce soir. Et je vous ai ramené du coup The Observatory, un groupe... Singapour, on parle anglais couramment, bien sûr, puisque c'est un ancien territoire britannique, là aussi. Et The Observatory, en fait, c'est un groupe assez intéressant qui lorgne vers le trip-hop et le rock, le post-rock un peu atmosphérique. Ils ont sorti un album l'an dernier qui s'appelle Oscilla. C'était au mois d'août qu'ils ont sorti ça l'an dernier, et je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite. Donc The Observatory, un groupe trip-hop, post-rock dans ces eaux-là, assez influencé par la scène britannique notamment. Allez comprendre s'il y a peut-être des liens entre l'ancien colonisateur et le pays indépendant. Un groupe qui nous vient de Singapour, The Observatory, un titre de l'album Oscilla, et c'est le morceau Subterfuge. Choice. Garde ta bouche comme une jarre scellée et tes pensées comme une forteresse. C'est un bon proverbe chinois pour vivre heureux et longtemps. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. À quoi ça sert de tuer l'ours si on n'a pas d'abord vendu la peau? Ça, c'est un proverbe chinois que je connais pas. C'est d'un de mes amis juifs de Brooklyn. Ah, les proverbes chinois, hein, c'est très très beau, c'est très philosophique, mais ça résiste pas forcément à la confrontation avec le pragmatisme juif de New York. À l'instant, c'était un extrait de l'album du film de Pierre Schwenderfer, Dien Bien Phu. Un très très bon film donc sur cette bataille qui signa la fin de l'empire colonial français en Asie et l'ouverture d'une autre guerre par la même occasion. Et c'était en épilogue de deux morceaux qu'on vient d'écouter, deux morceaux enchaînés. Tout d'abord The Observatory avec un extrait de leur album Oscilla qui est sorti il y a quelques temps, et c'était le titre Subterfuge, et c'est enchaîné juste après avec Vietnam et le titre China Tonight. Vietnam, China Tonight, un groupe qui, comme son nom ne l'indique pas, nous vient d'encore plus loin puisqu'ils sont de Nouvelle-Zélande. Oui, de Nouvelle-Zélande, en fait, c'était sur ces petites îles du fin fond de l'Océanie, c'était des immigrés, en fait, assez bigarrés, dont quelques Asiatiques, mais après, je ne peux pas confirmer si c'était des Vietnamiens ou pas, qui avaient composé ce groupe-là dans les années 80. Ils ont sorti un album éponyme en 1985, dont on vient d'écouter un extrait, China Tonight, et c'était donc de la cold wave assez sympa que nous laissait deviner ce morceau instrumental qu'on vient d'écouter. Bonsoir à tous les amis, si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Osmose Radio dans l'heure du loup. Ce soir, c'est une émission à l'occasion du nouvel an chinois qui aura lieu ce week-end. C'est une émission consacrée au thème de ces pays asiatiques qui peuvent rien faire comme tout le monde puisque leur nouvel an ne tombe jamais tout à fait à la même date. On quitte l'année du cheval, on rentre dans l'année de la chèvre, et donc à cette période de césure, je me suis dit tiens que j'allais faire une playlist thématique sur ces pays-là en vous ramenant des groupes qui parlent de ces pays-là, comme ceux qu'on a écoutés jusqu'à présent, à savoir des groupes de Malaisie, des groupes de France, des groupes de Grande-Bretagne. Et bien là, on va entrer dans le vif du sujet avec deux groupes chinois dont j'ai envie de vous parler. Je vais commencer par Nine Treasures, les 9 trésors. Alors vous savez, hein, c'est dans les tics de langage des Chinois, il y a cette façon de présenter les choses très très maniérée, très poétique en quelque sorte, d'une philosophie un petit peu particulière, mais qui peut aussi parfois confiner au ridicule. Hein, je pense à quand Mao se foutait de la gueule des tigres de papier pour dénoncer ses adversaires. Et donc ils disent ouais le tigre aux 5 qualités, le dragon aux 9 vertus. Vous voyez, enfin c'est cette façon qu'ont les Chinois et les Asiatiques en règle générale de présenter les choses de façon assez poétique, de façon assez maniérée ou parfois même de façon un petit peu ridicule, en tout cas de mon point de vue. Et donc Nine Treasures, les 9 trésors, bah c'est le nom du groupe dont je vais vous parler tout de suite, un groupe qui nous vient de Mongolie intérieure. C'est une province du nord de la Chine qui jouxte en fait la Mongolie, et donc c'est une population qui n'est pas tout à fait chinoise et qui n'est pas tout à fait mongole non plus d'ailleurs. Et pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que la Mongolie ont largement impacté l'histoire de la Chine médiévale en lui donnant une de ses dynasties les plus importantes. Je crois que c'est la dynastie Ying, je ne suis pas très très sûr de moi, mais c'était la dynastie notamment de Kublai Khan, avec lequel avait été en contact Marco Polo au XIIIe siècle, tout ça, donc ça nous ramène très loin au Livre des Merveilles et tout et tout, et à la Grande Muraille qui n'avait servi à rien. Et donc voilà, donc après les invasions mongoles, il y avait eu cette dynastie d'empereurs mongols, avec la dynastie Manchu, la dynastie Ying, je sais plus, et c'était tout ça au XIIe, XIIIe siècle. Et bien il se trouve qu'il en reste peut-être quelque chose en musique des siècles après, puisque Nine Treasures fait du folk metal, le folk metal donc qui mélange allègrement les influences des musiques traditionnelles et les influences du rock metal assez bourrin. C'est un style que j'aime bien, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler à maintes reprises ce soir, mais je vous le ramène, mais version chinoise, avec un extrait de l'album qu'ils ont sorti en mai 2014, un album éponyme, très très sobre, avec une pochette toute noire, et la musique à l'intérieur était à l'avenant. Je vous propose d'en écouter un extrait tout de suite avec le titre de Nine Treasures, The Dream of Ancient City, le rêve d'une cité antique. On croirait le titre d'une nouvelle de Howard Phillips Lovecraft. Thank you. black metal. Je vous en avais promis au début d'émission, à l'instant c'était Ktonic, un groupe de black metal de Taïwan, un équivalent asiatique de Cradle of Filth, avec le titre Takao. C'était sur l'album Takasago Army en 2011. Takasago, c'est en fait c'est une référence aux volontaires, entre guillemets, de l'armée impériale japonaise qui étaient recrutés sur l'île de Taïwan dans les populations autochtones pour faire le sale boulot dans la conquête nippone de l'Asie du Sud-Est. Et c'est enchaîné juste avant avec Nine Treasures et le titre The Dream About Ancient City, qui est un extrait de leur dernier album sorti l'an dernier. Voilà, du folk metal, du black metal, donc c'était pour aller tout doucement vers la fin de cette émission. Ça, on rigolait d'ailleurs à l'instant avec Abel, mon technicien préféré, parce que le chant death tel que le pratiquent les groupes de metal, notamment le dernier qu'on vient d'écouter, donc Ktonic, donc en plus c'est une référence, hein, c'est un terme grec qui est une référence aux dieux des entrailles de la terre qui sont capables de faire des tremblements de terre, des volcans, etc. Et donc ça correspond assez bien à la musique de ces hurluberlus qui nous viennent de Taipei. Et donc avec le chant tel qu'ils le pratiquent, le chant death, en fait ça rappelle, toute proportion gardée, le chant des chamans de l'Asie centrale qui eux ont des techniques de chant tellement particulières qu'ils sont capables de faire des voix d'outre-espace ou d'outre-tombe ou d'outre je ne sais quoi, mais c'est absolument impressionnant. Et bon voilà, donc je me dépêche très rapidement de conclure sur cette playlist, parce que même si j'étais obligé de faire des coupures dans les titres que je voulais vous ramener ce soir, je m'arrange quand même pour être à la bourre. Mais je tenais quand même à vous signaler deux trucs pour conclure cette playlist consacrée au nouvel an chinois ce soir, avec des références à l'Asie en règle générale, à la Chine et en Vietnam au particulier. Et bien à Avignon, samedi 21, vous aurez une parade à l'occasion du nouvel an chinois. Ils avaient déjà fait ça l'an dernier, et donc la communauté asiatique d'Avignon remet le couvert ce week-end avec une jolie parade qui aura lieu dans la rue de la République. Et un truc encore plus inattendu, mais que je tenais à vous signaler aussi, c'est il y a à Nîmes, au Parc des Expositions, vous aurez un week-end consacré à la culture Hmong. En fait, les Hmong ou les Hmong, c'est une ethnie d'Asie du Sud-Est qui est à cheval entre le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Et c'est un peu je crois qu'en vietnamien, ça veut dire les sauvages. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, disons qu'ils ont fait largement les frais de l'histoire récente entre la guerre d'Indochine et puis la guerre du Vietnam, ces gens-là. Je vous fais pas un dessin, mais toujours est-il que s'ils ont été obligés de s'exiler aux États-Unis et en France, c'est pas pour le plaisir. Et donc le fait est que à Paris et à Nîmes, il y a des communautés Hmong assez importantes, et donc vous pourrez aller découvrir leur culture, leur tradition, tout ça au Parc des Expositions de Nîmes ce week-end. Voilà, on va aller vers un aspect de la Chine qu'on ne connaît pas forcément. L'an dernier, dans ma dernière émission consacrée à ce pays-là, je vous avais parlé évidemment du Tibet et de sa place un petit peu particulière au sein de la Chine. Eh bien, il y a un autre coin de la Chine qui a aussi des déboires avec le pouvoir central des Han, c'est-à-dire l'ethnie majoritaire, les Chinois avec le visage rond et le teint un peu très pâle, disons. Ce sont les Ouïghours qui habitent l'ouest de la Chine, qui sont des populations turcophones et musulmanes, et qui ont plus à voir avec les Turcs d'Asie mineure qu'avec le Chinois de la côte de la mer de Chine ou de Corée. Et en fait, ces gens-là s'en prennent aussi plein la gueule pour pas un rond, parce que tout à l'heure je parlais du racisme dont les Chinois faisaient l'objet de manière assez scandaleuse et tout à fait injuste, mais les Chinois aussi, eux aussi sont capables d'être de gros cons racistes, et ils en donnent la preuve régulièrement, ne serait-ce que ce connard de touriste que j'avais un jour renseigné aimablement et qui m'a regardé comme si j'étais une merde juste parce que j'étais un sale blanc. Enfin bon, allez comprendre, il y a des gens comme ça, et je suppose qu'il y en a partout. Mais il se trouve qu'en Chine, il peut y avoir effectivement beaucoup d'injustices, dont celles dont font les frais les Ouïghours régulièrement. Et j'avais quand même envie de souligner un aspect de leur culture et de leur musique, avec la musique folk, hein, que j'aime bien, avec laquelle on va conclure cette émission. Et un gars qui joue du doutar. Le doutar, c'est un luth d'Asie centrale qui tient autant, qui rappelle autant les instruments qui sont joués en Anatolie que le oud iranien. Et donc c'est assez trippant à écouter. Je vous propose de nous quitter avec Abdourahim Ayet, un Ouïghour qui joue de cet instrument si particulier. Et pour nous quitter, donc on va écouter la musique folk d'Asie centrale telle qu'on peut la jouer dans l'ouest de la Chine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi prochain, pour une autre édition de l'heure du loup, les amis. Je vous laisse sur Osmose Radio. Bisous, à bientôt. Nihon.